je fasse. Les images, les visages se troublent et s'effacent. Ne me juge pas. Mes cauchemars, mes angoisses le font déjà, ne me mens pas. À la vie, à la mort, on sera plus fort. Sur tes doigts, sur tes bras, regarde en face. Tous ces murs autour de toi sont des impasses, brise cette glace. Tes fêlures, tes faiblesses sont une chance pour toi.